en serre. Le cadeau, le grain. J'avance en me disant que demain sera mieux qu'hier. Si tu me vois, je doute, c'est devant Dieu pour une prière. Je les entends dire, mais qui viennent tester mes jambes. Je couvre mes cicatrices avec des pièces de légende. Je lâche au mic des poèmes ou des vérités. Et ceux qui me jugent n'ont pas l'âge de certaines de mes amitiés. Je cours après mon rêve, mais je le vois s'écarter. Va dire à tes parents que leur fils s'est égaré. Je ne crée pas tout pour une histoire de gros seins. J'ai pris assez de coups pour ne pas avoir en donné aux miens. Une paire de lunettes, on se cache, on aurait pu être. Je me sens bien qu'en la présence de ceux qui m'ont vu naître. Ça pue la traite, check, vous en connaissez. La sale ambiance ici se check comme un bon essai. Je sais ce que ça fait de faire pleurer sa mère. J'ai remplacé les you en fin de phrase par les amen. On me dit craco, reste comme t'es. Mais y'a que derrière une page que mes douleurs s'estompent. Me demande pas pourquoi je t'ai fait du mal. C'était un signe de venir au monde sous péridurale. Vu qu'elle tourne pas, j'ai dit stop la roue. La tête dans les nuages, c'est que j'ai des potes là-haut. Vu qu'elle tourne pas, j'ai dit stop la roue. La tête dans les nuages, c'est que j'ai des potes là-haut. J'ai fait un signe, mais personne pour l'autostop. Je me sens seul ici, même si j'ai un trop de potes. On voit pas son avenir au sein du futuroscope. Ferme mes cicatrices, j'ai pas les cachets sur Photoshop. J'ai fait un signe, mais personne pour l'autostop. Je me sens seul ici, même si j'ai un trop de potes. On voit pas son avenir au sein du futuroscope. Ferme mes cicatrices, j'ai pas les cachets sur Photoshop. La nuit, je parle tout seul. Je prie le Seigneur pour que je parte en douceur. Avec mes démons, j'ai dû partir en croisade. Je me suis remis à Dieu mon bon pour éviter la noyade. Mais voilà, je prie devant ce corps sur une croix large. Car je suis plus près du rouge que du rêve incroyable. La nuit, je me couche dans un état lamentable. Parce qu'on m'a dit petit, t'atteindras pas la montagne. Mais c'est mal me connaître pour le pire ou le meilleur. C'était ça la promesse. Même si le temps presse, y'a tant de braise, on encaisse. On soigne nos plaies avec du jack sur les compresses. À tes côtes de la lumière, laisse mon étoile briller. Je dis pas tout à la mer, je me confie quand je vais prier. C'est sur la rivière de nos souvenirs qu'on traîne. Je regrette pas ma jeunesse, j'aurais aimé qu'on la comprenne. Je partirai tranquille sur un hymne si mon heure sonne. La victoire possède un prix que si tu lui en donnes. On se cramponne, cherche à couper la maille du filet. On reconnaît un homme à ses blessures qu'il a maquillé. Je disais que je ne voyais pas passer la trentaine. Mais la vie a fait de moi ni mature à trente pleines. J'ai fait un signe, mais personne pour l'autostop. Je me sens seul ici, même si j'ai un trop de potes. On voit pas son avenir au sein du futuroscope. Ferme mes cicatrices, j'ai pas les cachets sur Photoshop. J'ai fait un signe, mais personne pour l'autostop. Je me sens seul ici, même si j'ai un trop de potes. On voit pas son avenir au sein du futuroscope. Ferme mes cicatrices, j'ai pas les cachets sur Photoshop. Je me sens seul ici, même si j'ai un trop de potes. Ferme mes cicatrices, j'ai pas les cachets sur Photoshop. Je me sens seul ici, même si j'ai un trop de potes. Ferme mes cicatrices, j'ai pas les cachets sur Photoshop. J'ai fait un signe, mais personne pour l'autostop. Je me sens seul ici, même si j'ai un trop de potes. On voit pas son avenir au sein du futuroscope. Ferme mes cicatrices, j'ai pas les cachets sur Photoshop. J'ai fait un signe, mais personne pour l'autostop. Je me sens seul ici, même si j'ai un trop de potes. On voit pas son avenir au sein du futuroscope. Ferme mes cicatrices, j'ai pas les cachets sur Photoshop. Une vie en 16, craco. Mikado hologramme. 2000 œufs, on est hal ou pas? Yeah! Hey, Coco & Co.